les cinq grandes extinctions qui ont scandé l'histoire de la Terre, la dernière en date, l'extinction du Crétacé tertiaire est de loin la plus populaire. Et pour cause, tous les éléments d'une superproduction hollywoodienne sont réunis. Chute d'un météorite, éruption volcanique géante, plus disparition des dinosaures. Cette extinction continue cependant de poser un certain nombre de questions. Pourquoi certaines espèces animales ou végétales complexes ont-elles survécu et pas d'autres? Comment les écosystèmes se sont-ils rétablis pour aboutir in fine à la domination des mammifères et donc de nous? Extinction du Crétacé, le ciel leur est-il vraiment tombé sur la tête? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour retracer ou essayer de retracer cette histoire dans sa complexité, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui ici en studio à la Maison de la Radio Patrick de Wever. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géologue spécialisé en micropaléontologie. Vous êtes responsable de l'inventaire national du patrimoine géologique pour l'International Union of Geological Sciences. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu à Toulouse avec Pascal Tassy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes paléontologue et professeur émérite au Muséum d'Histoire Naturelle. Vous pouvez bien sûr, comme chaque jour, suivre cette émission sur les ondes et en parallèle, en direct, en vous abonnant au fil Twitter de l'émission, @laméthodefc. Alors, pour commencer, selon un modèle informatique qui a été dévoilé assez récemment, alors qui est un modèle certes encore partiel et incomplet, vous allez avoir tout le loisir de nous expliquer pourquoi, un modèle de l'équipe du Centre National Américain pour la Recherche Atmosphérique, qui a été soutenu par la NASA et l'Université du Colorado, l'impact de la météorite dans la péninsule du Yucatan il y a 65 millions d'années aurait plongé la Terre dans l'obscurité pendant près de 2 ans. Est-ce que ce type de recherche est, selon vous, à même de remettre cet impact au centre de l'extinction du Crétacé, Patrick de Wever? La remettre au centre, non, parce qu'elle a toujours été un peu au centre, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est très facile à comprendre. Avec un météore qui tombe, ça nous fait un énorme choc. Des météorites, c'est pulvérisé. Et donc, on a, juste avant la chute, et juste après la chute, c'est simple à comprendre. Et puis, avant... Tout allait bien, la vie était belle sur Terre, et puis après, c'est une catastrophe fantastique, et c'est tellement une catastrophe qu'il n'y a plus de dinosaures, vous vous rendez compte. Donc voilà, ça c'est simple à comprendre. La météorite, la chute de météorite, elle est observée, donc c'est un fait. Est-ce que c'est le seul élément? C'est là où peut-être le dossier n'est pas tout à fait complet. C'est ce que nous allons essayer d'examiner au cours de cette heure. Pascal Tassy, que pensez-vous justement de cette modélisation informatique qui donnerait un certain nombre d'explications, notamment sur l'effondrement de la photosynthèse et donc de toute la chaîne alimentaire derrière? 2 ans d'obscurité sur l'ensemble du globe, ça paraît gigantesque. Ça fait beaucoup, effectivement. En fait, cette analyse vient dans le prolongement de tous les scénarios qui ont été avancés par les promoteurs de l'explication de l'astéroïde. Comme l'a dit Patrick de Wever, il a eu cet impact, effectivement, mais une explication globalisante, c'est-à-dire que l'astéroïde suffit à tout expliquer. Pas vraiment, puisqu'il y a d'autres facteurs qui sont eux aussi des faits d'observation. Justement, Patrick de Wever, vous dites qu'une crise géologique, c'est comme dans le crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, il n'y a jamais un seul coupable. Oui, on connaît tous ce roman d'Agatha Christie, et si on ne connaît pas, tant pis, je le dévoile. C'est donc dans le train, dans l'Orient Express, il y a Hercule Poirot qui est là, il y a un colonel qui est tué, je crois, de 12 coups de couteau. Donc bien sûr, Hercule Poirot doit chercher quel coupable, et il s'aperçoit que tout le monde a donné un coup de couteau. Qui a tué le colonel? Ben, on ne peut pas répondre, et bien pendant une grande crise de biodiversité, et même pour toutes les grandes crises de biodiversité, il y a toujours un ensemble de facteurs. Donc la météorite, oui, mais peut-être que c'est comme si, je ne sais pas, quelqu'un est malade, on lui coupe un bras, on lui fait un trou dans le poumon, et à ce moment-là, quelqu'un ouvre la fenêtre au moment où il meurt. Est-ce que c'est le fait d'ouvrir la fenêtre qui l'a fait mourir? Voilà, c'est la problématique est exactement celle-là. Voilà, toute la question, et les questions auxquelles vous allez essayer d'apporter des éléments de réponse, c'est de comprendre précisément l'influence de cet impact de météorite sur cette crise géologique complexe. J'évoquais dans l'introduction ce côté de super superproduction apocalyptique de l'événement. Est-ce que, selon vous, Patrick de Wever, le triomphe entre guillemets populaire de ce scénario est dû en partie au contexte géopolitique dans lequel il a émergé dans les années 80? C'est intéressant ça. Très juste. Les premiers à parler de cette météorite, pas les premiers, les premiers à avoir parlé avec succès de l'hypothèse de la météorite, ce sont les Alvarez, père et fils, qui ont proposé ça à Gubbio en Italie, donc un petit niveau d'iridium. L'iridium, c'est disons une variété d'or, qui ne se trouve qu'au centre de la Terre, ou donc qui est apporté par les météorites. Et puis, c'est une hypothèse qui avait déjà été proposée pour des grandes crises du monde vivant. Mais avant, c'était passé complètement inaperçu. Eux, ça marche, on en parle beaucoup. Alors, on en parle beaucoup. Et d'abord, j'ai dit les Alvarez, père et fils. Mm-hmm. Le pape Alvarez, prix Nobel de physique quelques années avant. Donc déjà, quand un prix Nobel s'exprime, on l'écoute. En plus, c'était un monsieur qui était très connu parce que par les médias, parce qu'il s'était beaucoup exprimé au moment du McCarthyisme contre Oppenheimer, etc. Donc les journaux déjà le connaissaient. C'est un monsieur qui n'hésitait pas à polémiquer. Donc on a eu ce genre de personnage en France il y a quelques années. Donc c'est connu. Et puis ensuite. À ce moment-là, l'élément politique aux États-Unis, on est encore en guerre froide, il y a encore l'Union soviétique, et c'était quand le président Reagan voulait développer des fusées intercontinentales pour aller contrecarrer en l'air les fusées que les soviétiques pouvaient envisager de lancer sur eux. Mais bon, il fallait développer ça, c'est ce qui s'était appelé la guerre des étoiles, parce que c'était sorti avec en même temps que le film. Et sauf que ça coûtait cher, et donc le contribuable américain n'était pas très enthousiaste pour ça. Et voilà que les Alvarez nous disent, mais attendez, en dehors des soviétiques, il peut y avoir des météores, des astéroïdes qui tombent sur Terre, et ça peut tuer même des gens aussi costauds que des cow-boys du Texas. Alors vous voyez, ça vaudrait peut-être le coup de se développer. Alors ça, c'était quelque chose qui était très célèbre. Il y a eu des films qui ont été faits là-dessus, Armageddon, etc. Un peu plus tard dans l'histoire du cinéma. Oui, mais encore plus tard aujourd'hui, il y a quelques semaines, on a de nouveau parlé d'envoyer des fusées pour éventuellement faire exploser ces fusées à proximité d'un astéroïde pour dévier sa course pour qu'il ne tombe pas sur Terre. Donc, on peut se demander si ce n'est pas l'événement politique qui a fait que les militaires, les faucons, on appelait ça à l'époque, pouvaient développer ça. Alors là, je suis mauvaise langue, peut-être, quoique. Il est surprenant quand même qu'une hypothèse sur une météorite qui tombe, ça tue des dinosaures, de l'iridium, pourquoi ça intéresse les militaires? Je ne sais pas, toujours est-il que les publications, pendant 2 ans, les publications qu'ont faites les Alvarez, vous savez, à la fin d'une publication, on met toujours « financé par », en France, on met CNRS ou l'université, etc. Et là, ben, c'était financé par le Pentagone. Alors, je ne sais pas si c'est les dinosaures qui intéressaient les militaires, ou si c'est... Voilà, je vous laisse conclure. Pascal Tassi, cette hypothèse du succès du scénario de la météorite du Yucatan pour expliquer cette extinction crétacée-tertiaire, vous partagez le point de vue de Patrick de Wever? C'est un succès qui s'établit dans un storytelling géopolitique du début des années 80? Ah oui, je le partage absolument. Mais le problème, c'est que cet astéroïde a un côté réponse à tout, ce qui n'est pas le cas. Finalement, cette question-là, c'est une sorte de piège diabolique. On a un impact qui explique beaucoup de choses, et puis le paléontologue vient avec sa science imprécise pour dire « Attendez, c'est pas si facile que ça, c'est plus compliqué, il faut nuancer ». Et là, on rentre dans des considérations complexes de rythme d'extinction, d'écosystèmes, qui font que ben, la discussion devient un peu plus compliquée que de dire, ben, comme l'a dit tout à l'heure Patrick de Wever, avant c'était le bonheur et après c'est la catastrophe. Alors on va essayer précisément de faire un point sur ces différents scénarios multifactoriels et sur les zones d'ombre qui subsistent autour de cet événement qu'on appelle KT, c'est-à-dire la chute, enfin en tout cas l'extinction de 75%, et on va voir que ce pourcentage-là, c'est à la louche, qu'on peut amener là aussi des précisions. Patrick de Wever me fait un signe en me disant « Oh, c'est un peu moins que ça, vous allez nous dire ça ». Mais tout à l'heure, enfin avant ça, il faut peut-être réexpliquer que la Terre au Crétacé, c'est pas la Terre qu'on connaît aujourd'hui, Patrick de Wever. C'est pas la même forme, les continents sont pas à la même place, c'est pas le même climat. Oui, et ici, par exemple, il faisait beaucoup, beaucoup plus chaud. Là, tout à l'heure, je me plaignais de la chaleur dans le studio, mais à l'époque, ici, il faisait on ne parle pas du réchauffement climatique. Il faisait beaucoup, beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Mais pour la biodiversité, c'est aussi une richesse. On sait bien qu'il y a une biodiversité plus grande dans les régions tropicales que dans les régions tempérées. Et à l'époque, dans nos latitudes, c'était un climat très nettement tropical. Et effectivement, à l'époque, si on regarde, on va faire simple quand même. Donc, resituer peut-être sur une échelle historique d'abord, ou préhistorique en l'occurrence, le Crétacé, c'est de quelle époque à quelle époque, redites-nous. Alors ça s'est terminé à 66 millions d'années, ça a commencé vers 120 millions d'années. Et au moment de la crise, c'est la fin de cette période Crétacée. Et à cette époque, l'Inde venait de quitter l'Inde, le continent indien, était à proximité de l'Afrique. Et Madagascar, etc. Ça s'était séparé quelques années auparavant. Et puis, l'Inde était à peu près entre l'Asie d'aujourd'hui et l'Afrique d'aujourd'hui. Elle était à peu près à mi-chemin. Et puis, à ce moment-là, donc c'était un continent qui migrait. Et puis, à ce moment-là, elle s'est mise à avoir des éruptions volcaniques très importantes. On appelle ça, nous, un point chaud. C'est-à-dire qu'il y a, comme son nom l'indique, il y a un endroit dans le globe où il y a beaucoup de chaleur qui remonte, qui ressort, et ça fait beaucoup de volcanisme. Et puis, donc, il y a ça, donc des événements volcaniques. Mais alors, rien à voir avec ce qu'on connaît comme volcanisme aujourd'hui. Infiniment plus important. Ça a donné, par exemple, les trappes du Deccan dont vous avez parlé tout à l'heure, ça a donné une surface qui représente l'équivalent de la surface de la France en lave. Et la hauteur, un peu plus que le Mont Blanc. Alors que, donc on dit, voilà, 550 000 km² multiplié par 6 km, et alors la belle affaire, la belle affaire. Si on regarde ce qui s'est passé en 1783, ça c'est à l'échelle humaine, il y a eu un volcanisme qui s'est exprimé au Laki, en Islande. Et là, c'était épanché, même type de volcanisme, très fluide, etc. C'était épanché 12 km cubes. 12, hein, si on essaie de se représenter, 4 km sur 3 km sur 1 km. Eh bien, 4 sur 3 sur 1, ça a modifié le climat complet de l'Europe. Il y a eu des famines. On retrouve dans les registres de jusqu'en Europe centrale des climats qui ont été bouleversés. Donc ça a généré des famines, etc. Il n'y a pas eu une modification de la biodiversité, mais n'empêche, il y a eu un impact sur au moins jusqu'à l'Oural. Et je rappelle, 4 sur 3 sur 1. L'autre, c'est 550 000 km² sur la hauteur du Mont Blanc. Donc rien qu'au niveau des laves, on voit qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé. Donc les laves, mais à cela, il faut surtout ajouter les gaz. Alors les gaz, on parle toujours du CO2, oui, mais pas que. Même aujourd'hui, dans les gaz à effet de serre, on parle du CO2, mais il y a surtout l'eau. Aujourd'hui, le principal gaz à effet de serre, c'est 72%, c'est l'eau. Donc un volcan, ça rejette énormément d'eau, et en plus, ça rejette du soufre, des composés soufrés. Donc ça fait des pluies acides. Donc vous voyez, on imagine que rien qu'avec ça, l'environnement a été complètement bouleversé. On peut préciser peut-être aussi, en termes géologiques, Pascal Tassi, que ça fait pas très longtemps que l'océan Atlantique est encore un jeune océan, que le niveau des mers n'est pas du tout non plus le même qu'aujourd'hui, qu'il est nettement, nettement beaucoup plus haut, et qu'on pense que les océans sont aussi relativement plus chauds. Absolument. Il faut bien voir que la Terre bouge tout le temps, avec une vitesse très faible, mais les continents bougent tout le temps. Donc à l'époque, l'Atlantique Nord est plus étroit, donc les courants marins ne sont pas les mêmes. L'Europe, et en fait c'est un chapelet, un archipel, avec un chapelet d'îles. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a peu de dinosaures en Europe à la fin du Crétacé. Et donc le contexte est très différent. Alors ce contexte-là, il est effectivement bouleversé à un rythme géologique. Les épanchements de lave extraordinaires de la fin du Crétacé, c'est sur 1 million d'années. 1 million d'années, si l'on regarde l'échelle géologique, c'est un trait. Mais à l'échelle du vivant, c'est très long. Donc il y a eu des poussières rejetées par les volcans, il y a eu des quantités de, il y a eu du soufre également, et donc il y a eu un obscurcissement du sol, indiscutablement. On retrouve donc le même mécanisme que pour l'astéroïde, et cela va jouer, mais pas sur un temps infiniment court, ça joue sur un temps assez long, ce qui explique que la vie ne s'est pas arrêtée, que des espèces disparaissent, mais pas d'autres, en raison de chaînes trophiques complexes et d'équilibres dans les écosystèmes dont souvent nous avons du mal à bien saisir le fond. Mmh. Un mot peut-être aussi, Patrick de Wever, pour dire que il y a aussi énormément de sédimentation qui se dépose au fond de ces océans, que Crétacé, ça vient de Créta pour Craie, que nos belles falaises d'Étretat ou les falaises du Devon en Grande-Bretagne sont une trace géologique de cette époque. Oui, dans la mer à cette époque, il y avait du plancton qui vivait comme aujourd'hui. Et notamment la craie, c'est amusant que vous souligniez ça, craie, crétacé, bien sûr, et le caté, c'est la même chose, c'est le crétacé qui a donné en allemand. Et alors cette craie qui est, c'est blanc, c'est la virginité, c'est la craie des enfants qui écrivaient, enfin ma génération, on apprenait à écrire au tableau avec ça, donc on voit la pureté avec ça. Or, si on regarde bien la craie, c'est amusant, la craie c'est quoi? C'est un lisier en fait. C'est un lisier parce que, alors pourquoi je dis c'est un lisier? Parce que la craie, c'est constitué de l'accumulation d'organismes très petits, même pas microscopiques, il faudrait dire micro-microscopiques, nanoscopiques. Et ces organismes-là se sont déposés parce que, ils n'ont pas eu de chance dans la vie, en fait, ils ont été mangés par d'autres. Ce qu'on appelle c'est aussi microscopique, des copépodes. Et les copépodes, donc, ils mangent les organismes plus petits. La matière organique, ils la digèrent pour eux, pour leur énergie. Et puis, ce qui n'est pas digeste, comme la matière minérale, ils la rejettent. Ils la rejettent, donc ça fait des petites pelotes fécales, en termes corrects, des petites crottes, quoi, tout simplement. Et dans ces petites crottes, il y a un petit peu de matière organique, il y a les restes minéraux et il y a des argiles. Et c'est l'accumulation de cet ensemble qui fait que les organismes, les restes d'organismes qui étaient dedans sont conservés, sinon ils auraient été dissous. Si cet organisme, s'il n'a pas de misère, s'il a de la chance qu'il vive longtemps, mais quand il va mourir, son cytoplasme va disparaître et la matière minérale va descendre, mais elle va être dissoute dans l'eau. Alors, autre chose avec la craie, Pascal a évoqué tout à l'heure que les continents bougent. Alors on dit oui, les géologues ils nous embêtent, les continents bougent quand même. Si je regarde à la jumelle, la côte des États-Unis, je ne vois pas bouger. Eh bien effectivement, moi aussi, si je regarde mon ongle, je ne le vois pas bouger. Et pourtant, régulièrement, je dois me couper les ongles. Eh bien l'Amérique s'éloigne de nous à la même vitesse que poussent mes ongles. Donc vous voyez, sur une vie humaine, ça ne compte pas, mais sur l'échelle, Pascal a souligné, des millions d'années, alors ça devient intéressant. Et quand il disait que l'Atlantique Nord n'était très peu ouvert, la partie nord de l'Atlantique, au nord même de l'Écosse, c'était pas ouvert du tout. Tous les continents étaient encore bloqués. Donc les courants étaient extrêmement différents. Il est 16h18 sur France Culture, vous écoutez La Méthode Scientifique. Nous parlons tout au long de cette heure de l'extinction du Crétacé tertiaire. Alors, vous allez me corriger parce qu'il paraît qu'il ne faut plus dire tout à fait Crétacé tertiaire, qu'il faut plutôt parler de l'événement caté. Bon, Patrick Wever me fait un signe de la main en me disant que ce n'est pas très grave. Nous en parlons donc en tout cas avec Patrick de Wever qui est géologue spécialisé en micropaléontologie et en duplex depuis France Bleu à Toulouse avec Pascal Tassy qui est paléontologue. Alors parlons un peu, puisque nous avons parlé de l'histoire géologique, parlons évidemment de la faune et de la flore, de leur répartition. Les continents bougent avec eux, ils emportent la faune et la flore qui sont à leur surface et parfois sous l'eau aussi. Commençons par la flore. Le Crétacé est une période importante qui voit l'apparition immense, Pascal Tassy, des angiospermes, les plantes à fleurs. On avait consacré une émission entière, d'ailleurs, on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission, sur cette révolution que constituent les plantes à fleurs dans l'histoire de la flore terrestre. Absolument. Vous démarrez bien par cet exemple, parce que justement, les plantes à fleurs se développent et elles existent toujours. En fait, la réponse des végétaux à la perturbation qui ont marqué la fin du Crétacé, à une échelle géologique, et pas seulement en fonction d'un impact qui a des effets considérables sur 2 ans, la réponse de la végétation a été, si j'ose dire, de tenir le coup. Alors c'est vrai qu'il y a des petites variations locales qu'on a pu percevoir. On s'est rendu compte que dans certaines zones, il y a une abondance de dépôts de fougères, et très très souvent, les fougères sont signe d'une perturbation qui précède, et elles remplacent donc des associations végétales plus complexes. Mais au niveau global, les végétaux ont continué à bien se porter pendant les millions d'années qui précèdent et qui suivent la limite dite catée. Alors, en même si j'évoquais la flore, je vous renvoie encore une fois à l'émission que nous avions consacrée aux angiospermes. On va parler plus de ce basculement, hein, de ce passage d'une ère géologique à une autre. C'est aussi pour vous parler des insectes, parce que quand on parle de cette extinction du Crétacé tertiaire, on parle d'une chute brutale du nombre d'espèces végétales et animales, mais on oublie souvent que les insectes, eh bien, font partie de ces classes du vivant qui ont traversé cette extinction plutôt bien. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous vous êtes mis, en fait, dites-nous la vérité, en quête du fameux moustique de Jurassic Park. Exactement, parce qu'on a un peu tendance à l'oublier, ce moustique, un peu comme les autres insectes de la période dont on parle aujourd'hui. On parle évidemment au moment de cette crise du Crétacé tertiaire de l'impressionnante disparition des dinosaures terrestres, mais on s'est longtemps désintéressé des insectes qui étaient pourtant plus nombreux et qui ont survécu à cette extinction de masse. Pour en parler, je suis donc allé rencontrer André Nel, qui est entomologiste et professeur au Muséum d'Histoire Naturelle. Il m'a montré comment il travaillait sur ces insectes fossiles et ce qu'il cherchait à comprendre en les observant dans l'ambre ou bien dans les sédiments. Les insectes de façon fossile ont été très longtemps sous-étudiés. Le regain d'intérêt sur les insectes fossiles date des 20 dernières années et en particulier pour l'étude des crises, effectivement, ils étaient régulièrement non comptés dans les inventaires de diversité avant les crises et après les crises. Alors qu'il s'agit du groupe le plus diversifié sur les continents, les terres émergées en tout cas. Et donc, les oublier, c'est oublier le 60 à 70% de la diversité. Les insectes ont une histoire évolutive assez particulière. Elle est différente de celle des vertébrés. Si vous alliez il y a 65 millions d'années en Europe, ou n'importe où dans le monde, vous ne reconnaîtriez pas un seul mammifère. Il y en avait, mais c'était des petites bêtes. Alors que les insectes du Crétacé étaient très semblables aux actuels. Les familles d'insectes de l'époque étaient déjà les familles modernes, pour la majorité d'entre elles, et même souvent les genres. C'est-à-dire que le fonctionnement des insectes dans leur milieu était comparable au fonctionnement moderne au Crétacé supérieur. Quand on pense fossiles, on pense immédiatement aux os de mammouth, aux os de mammifères finalement, ou de dinosaures même. À quoi ça ressemble un fossile d'insecte ? Les fossiles d'insectes, vous en avez dans deux sortes de fossilisation, dans les résines fossiles, ce qu'on appelle les ambres, et puis vous avez aussi énormément d'insectes fossiles qui sont dans des roches sédimentaires de type lacustre, ou fluvio-lacustre, donc de rivière, et les animaux se sont fossilisés là-dedans. Les animaux sur plaquettes, donc dans des sédiments lacustres, il faut ouvrir les roches qui sont en feuilleté, en laminé. Et là, à l'ouverture, l'animal apparaît souvent avec le dessus sur une face, le dessous sur l'autre face. Comme un livre ouvert, finalement. Comme un livre ouvert, une feuillette des livres. Quelquefois, il y a beaucoup de pages vides, mais de temps en temps, il y a quelque chose dans une page. Alors là, déjà, on est devant une étagère où il y a, oui, là, il y a tout un tas de fossiles. Alors, quelquefois, ce n'est pas forcément des choses fabuleuses. Oui, là il y a une abeille. Ouais. L'empreinte et la contre-empreinte dans des roches justement qui datent d'après la crise du Crétacé. Mm-hmm. Quelquefois, vous avez de très jolis trucs, comme cette libellule, qui a conservé des taches de couleur dans ces régions. Et alors, par contre, vous avez les ambres. Là, ce sont des blocs d'ambre qui sont nature. Donc, vous voyez, c'est complètement opaque, sauf à la cassure. Donc, on le regarde sous la loupe binoculaire. Ça ne demande pas du matériel high-tech, si j'ose dire. Là, on est dans un laboratoire où il y a des loupes binoculaires un petit peu partout. Là, vous venez d'allumer un robinet d'eau. Une robinet d'eau parce qu'on va poncer, on va poncer le petit morceau d'ambre de manière à faire une fenêtre dedans pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, tout ce qui était un peu opaque devient transparent. Et donc après, j'arrête l'eau là. Et après, on la met sous une loupe binoculaire. Là, c'est vraiment un tout petit morceau, pas plus gros qu'une miette de pain. Voilà. Et c'est une toute petite tête, une petite mouche. Et ça me permet de l'étudier. Et donc, ça donne... Voilà, on voit les pattes là. Et donc, c'est une soc. Hein. Comment vous les étudiez, ces fossiles ? Et en fait, qu'est-ce que vous cherchez à comprendre en étudiant ces paléo-insectes ? Je ne sais pas comment on appelle ça. Alors, ces paléo-insectes sont des insectes. Il faut les étudier à peu près comme les insectes modernes, c'est-à-dire les replacer dans la classification des insectes actuels, dans ce qu'on appelle la phylogénie, c'est-à-dire en gros l'histoire de leur vie, leur lien de parenté, donc les liens de parenté des fossiles avec les actuels. ce qui permet après de voir si ils avaient le même mode de vie que les actuels, de faire des inférences, c'est-à-dire des transferts d'informations de l'actuel vers le fossile. Évidemment, ce sont des hypothèses parce que on ne sait jamais exactement comment ils vivaient. Mais quelquefois, lorsque vous avez par exemple une abeille fossilisée qui a des pelotes, des pattes modifiées pour récolter le pollen, vous pouvez savoir que c'était déjà des abeilles qui récoltaient le pollen au Crétacé supérieur. On parle beaucoup de l'extinction des dinosaures à la fin du Crétacé, mais les insectes, eux, ils ont bien survécu et ils n'ont pas du tout été affectés par cette crise. Ce que l'on sait, c'est que les familles d'insectes qui étaient présentes au Crétacé supérieur, donc les groupes de genres, donc vous avez les espèces, les groupes d'espèces sont les genres, les groupes de genres sont les familles. Donc les familles d'insectes qui étaient présentes ont passé la crise Crétacée, étaient aussi présentes après le Crétacé, donc au début du Cénozoïque, du Tertiaire. Ce qui n'est pas le cas chez les vertébrés, puisque vous avez évidemment plein de familles de dinosaures qui ont disparu, mais d'autres bêtes marines, et ainsi de suite. Le problème, c'est que le registre fossile n'est pas assez précis pour savoir s'il y a eu beaucoup d'espèces qui ont disparu. Si vous prenez, par exemple, les abeilles, les apidées, c'est des familles qui sont très très grandes, très diversifiées dans l'actuel et qui l'étaient déjà à l'époque. Donc, pour faire disparaître une famille d'apidées, il faut faire disparaître des centaines d'espèces. D'autres familles d'insectes comportent des milliers d'espèces. Donc, vous pouvez parfaitement avoir eu une crise qui a fait disparaître parmi ces milliers d'espèces, des centaines d'espèces, mais qui en est qui a survécu, et qui a permis à la famille de perdurer et de passer la crise. Et ça, on ne le sait pas. Ce que l'on sait, c'est que la partie des écosystèmes liés aux insectes, à la fin du Crétacé, est passée à travers la crise. C'est-à-dire que du point de vue, en fait, du fonctionnement de la vie, pour ce qui concerne les insectes et leurs relations avec les végétaux, ça n'a rien changé du tout. Donc, c'est une crise, entre guillemets, du point de vue du fonctionnement de la vie, mineure, en fait, non pas majeure. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on se trompe un peu quand on parle d'extinction massive à cette époque ? Oui, pour les insectes, apparemment, oui. Mais il y a deux aspects. Il y a l'aspect diversité, c'est-à-dire nombre d'espèces existantes avant et nombre d'espèces qui sont passées à travers la crise. Là, l'information manque, en fait. Et l'aspect fonctionnement des écosystèmes, qui montre que ça n'a pas beaucoup changé. Ce n'est pas le cas pour d'autres crises. La crise majeure de la fin du Permien, il y a eu là des changements majeurs dans le fonctionnement des écosystèmes. Et la crise actuelle, la catastrophe. Actuellement, les insectes sont affectés par l'impact de l'humanité. Vous avez des espèces, beaucoup d'espèces qui disparaissent, vous avez beaucoup d'espèces qui se raréfient, et en fait, là, la crise, elle se passe en quelques dizaines d'années. Donc, c'est effectivement plus qu'inquiétant, c'est catastrophique. Voilà le reportage du jour autour des insectes qui s'en sont plutôt bien sortis, qui sont passés au travers de cette extinction de masse, la cinquième du Crétacé tertiaire. Une réaction, est-ce que vous venez d'entendre, Pascal Tassy ? C'est très juste ce qui vient d'être dit, et les estimations de pourcentage d'extinction, la définition des regroupements d'espèces sont sujets à discussion, effectivement. Quels seraient les vôtres, justement, parce que on évoque en règle générale le chiffre qu'on retrouve quand on parle de cette extinction crétacé-tertiaire, c'est 75% des espèces animales. Quelle est votre estimation ? Quels sont les chiffres dont vous disposez, tant pour la flore que pour la faune ? Bah écoutez, c'est très difficile, c'est une estimation. On ne connaît pas la totalité des espèces, hein, même en oubliant les insectes. Donc, c'est peut-être un peu excessif. Et en même temps, si 35% d'espèces continentales subsistent, elles subsistent dans pratiquement tous les grands groupes, de telle sorte qu'il peut y avoir continuité, même s'il y a raréfaction. Donc, une extinction en masse, c'est une extinction de très très nombreuses formes, mais ce n'est jamais une éradication. Alors, même les dinosaures. Alors, on va y venir aux fameux dinosaures. J'aimerais tout de même une réaction de Patrick de Wever à ce reportage sur les insectes et sur la difficulté d'estimation, l'ampleur globale de ces extinctions de masse du Crétacé tertiaire. Oui, le chiffre me semble aussi un petit peu élevé, mais peu importe, parce que comme l'a dit Pascal, ce sont des estimations, donc c'est un ordre, ce sont plutôt des ordres de grandeur. Et généralement, quand on parle de disparition, il me semble qu'il est important aussi de dire, si on parle de la globalité, si on parle des organismes terrestres ou des organismes marins. Parce que, par exemple, il y a certaines crises se marquent surtout dans le milieu marin. Dans les premières extinctions notamment, voilà. Où on perd jusqu'à 98% d'espèces estimées, encore une fois. Voilà. Alors que, à la limite Crétacé-Tertiaire, dans le microplancton marin, celui que je connais, là aussi, on voit un ensemble de faune au cours dans le Crétacé. On en voit un autre dans le tertiaire, mais le changement n'est pas du tout brutal. Ça a été très bien expliqué par André Nel. Hein, il y a un changement, mais il n'y a pas un coup de sifflet où tout le monde meurt et plein d'autres apparaissent. C'est un mouvement beaucoup plus lent qui a pris des millions d'années. On voit que le monde pélagique est évidemment plus touché que le monde très profond dans le milieu marin. Pas vraiment. Pascal Tassi. Ah oui, tout à fait. Les variations du niveau marin de la fin du Crétacé sont telles que l'essentiel de la faune marine vit dans le milieu des 200 mètres les plus proches de la plage, hein, si j'ose dire. Et donc, ça joue énormément. Oui, mais là, c'est le benthique qui est touché, hein, tu veux dire. Oui. C'est les organismes qui vivent sur le fond. D'accord. Alors que ceux qui sont pélagiques, qui nagent, ils nagent pas, ils sont à leur surface, ceux-là, en tout cas dans les eaux plus profondes. Ceux que je connais, moi, ne sont pas du tout touchés. Mais ceux qui vivent, et Pascal a raison de le souligner, c'est ceux qui vivent au fond, à proximité autour des continents, alors eux sont très touchés. Pardon, je t'ai coupé, Pascal. Mais je t'en prie. Allez-y, Pascal Tassi, continuez si vous voulez, justement, sur la biodiversité marine. La biodiversité marine, elle a quand même subi justement ces altérations de l'environnement, altérations atmosphériques, avec des réactions du plancton qui est différent selon les groupes. Donc une fois encore, et je pense que Patrick de Wever pourra détailler, une fois encore, selon les groupes qui recycle du carbone ou pas, on a des réactions différentes, ce qui montre bien que dans tous les cas, les écosystèmes sont complexes et on ne peut pas vraiment globaliser les facteurs d'extinction. On va aborder ce qui fait certainement la célébrité de cette extinction du Crétacé tertiaire, les dinosaures, peut-être pour dire qu'effectivement c'est une espèce dominante sur Terre depuis très longtemps, on estime à 150 millions d'années, peu ou prou, là aussi on peut jouer sur les dizaines, mais en tout cas vraisemblablement leur présence sur Terre. On peut dire en tout cas, Pascal Tassi, qu'ils ont déjà réussi, ils ont déjà traversé une première extinction, l'extinction précédente. Ah, absolument. D'ailleurs, les dinosaures les plus extraordinaires au point de vue taille, poids, ils sont du Jurassique. Ils n'existent plus au Crétacé supérieur, déjà, depuis longtemps. Très gros dinosaures, ont pas réussi à traverser. Voilà. L'extinction du Jurassique, pardon. Oui, absolument. Il y en a eu d'autres. Hein. J'ai pris cet exemple-là. En fait, on va de nouveau parler d'estimation. On peut dire qu'au cours des 10 derniers millions d'années du Crétacé, bon, c'est donc une période de temps assez longue, on voit une chute du nombre d'espèces de dinosaures importantes. On estime à 40% la réduction, ce qui n'est pas rien, ce qui montre bien que les événements de l'extrême fin du Crétacé ont eu un impact sur des animaux qui avaient connu une période de diversification intense qui compensait largement les extinctions qui sont un moteur de l'évolution. Les espèces disparaissent, d'autres prennent leur place. C'est le mouvement perpétuel, si j'ose dire, de l'évolution. Mais là, au cours de ces 10 derniers millions d'années, on voit qu'un grand nombre d'espèces, finalement, disparaissent sans avoir de proches parents qui reprennent le flambeau, si j'ose dire. Et donc, à ce moment-là, on est bien obligé de dire qu'il y a des changements écologiques sur le long terme qui, effectivement, ont eu un impact. Mais vous voyez que ce n'est pas un impact du type instantané sur quelques années. Maintenant, les dinosaures terrestres, l'expression a été utilisée, je l'ai entendu tout à l'heure dans le reportage, c'est très juste, parce que les dinosaures aériens, eux, ont traversé la crise crétacé-tertiaire, c'est-à-dire les oiseaux. Maintenant, c'est une tarte à la crème de dire les oiseaux sont des dinosaures. Mais oui, les oiseaux sont des dinosaures adaptés au vol, un petit peu comme les chauves-souris sont des mammifères adaptés au vol. Donc, s'il y a eu une absence de lumière qui a fait que la planète est plongée dans la nuit pendant 2 ans, si je faisais une mauvaise plaisanterie, je dirais donc il n'y aurait que des rapaces hein, qui vivent la nuit. Ben non, justement pas. Les oiseaux ont continué à se différencier, à se développer. D'autres groupes aussi. Oui, on peut dire un mot peut-être, Pascal Dassy, et c'est important de le rappeler, que avant l'apparition de ce scénario météorite qu'on évoquait tout à l'heure, dominant dans les années 80, pendant très longtemps, et notamment du fait d'une réserve fossile importante en Amérique du Nord qui est exploitée depuis, si mes renseignements sont exacts, depuis la fin du 19e siècle, on a longtemps cru que la disparition des dinosaures était une disparition progressive, parce qu'on voyait effectivement, comme vous venez de le noter, une diminution du nombre d'espèces progressive sur plusieurs dizaines de millions d'années. Oui, c'est vrai, c'était. Mais en même temps, cette vision, elle rentrait dans une vision plus générale, darwinienne, de l'évolution qui se fait lentement. Bon, maintenant, on sait qu'elle ne se fait pas lentement de façon régulière, qu'il y a des périodes d'accélération, des périodes de décélération. Et donc, du coup, on est tenté souvent de tirer un petit peu l'effet dans une direction pour faire avancer les choses en provoquant le débat, vous voyez. Donc on est peut-être allé un petit peu de façon extrême vers le néo-catastrophisme en insistant sur des périodes de perturbations majeures. Mais il faut quand même pas nier que la fin du Crétacé, c'est une période où les environnements, donc les êtres vivants, végétaux et animaux, subissent quand même des contraintes sérieuses. Patrick de Vever. Oui, alors Pascal a souligné que les dinosaures avaient déjà traversé des crises. Non seulement ils ont traversé des crises, il y a 200 millions d'années par exemple, ils en ont traversé une, et cette crise elle correspond aussi à une chute de météorites, notamment en France, hein, à Rochechouart. Pas de la même ampleur que celle du Yucatan, tout de même, il faut pas préciser. De la même ampleur. Le Yucatan, on parle de 10 km vraisemblablement, on parle d'un cratère de 160 km, on parle... Voilà, celle-ci est plus petite, mais celle-ci, c'est qu'un fragment, parce qu'il y a d'autres fragments qui seraient tombés au Manicouagan, en Russie, etc., etc. Mais peu importe, on ne va pas se battre sur la taille, puisque là, on dit, ça n'a aucune incidence sur la biodiversité. Donc, vous voyez, là, on a une météorite aussi, et là, on dit, il n'y a surtout pas d'influence. Et alors, sur le coup de la météorite responsable, seule responsable, etc., c'est amusant parce que je crois que, en général, les journaux ont besoin d'un peu de spectaculaire pour vendre du papier. Si bien qu'il y a 3-4 ans, était sorti un papier en disant, dans Nature ou Science, je ne sais plus, en disant, maintenant, c'est sûr, c'est la météorite, la preuve. Il y a 40 scientifiques qui l'ont dit. C'était dans Science, et 41 scientifiques internationaux ont signé en disant le scénario de la météorite. Mais je vous arrête, Patrick de Vever, parce qu'on va en parler. On va parler des différents scénarios dans un instant. Par la lueur du soir, tu as vu la fin d'un monde. Dans la lueur du soir, tu as vu la fin d'un monde. Dans le fond d'une armoire. Des photos comme des coups de sonde dans le fond d'une armoire. Des photos comme des coups de sonde. Des villages d'eau claire et la beauté des nuits profondes. Des villages d'eau claire et la beauté des nuits profondes. La langue sous la pierre. Le lait blanc dans les tables sombres, la langue sous la pierre. Le lait blanc dans les tables sombres. fin d'un monde. Tu pourras dire plus tard, j'aurais connu la fin d'un monde en l'attendant plus tard. Occupe-toi des prochaines secondes en attendant plus tard. Occupe-toi des prochaines secondes. Dominica, la fin d'un monde, eh bien c'est de la fin d'un monde dont nous parlons, ou d'un certain monde, ou de la transition entre un monde et un autre, puisque nous parlons de l'extinction, de la cinquième extinction dite de masse entre l'ère du Crétacé, celle du Tertiaire. Nous en parlons avec Patrick de Wever ici à Paris, et avec Pascal Tassy en duplex depuis France Bleu à Toulouse. Alors, donc, vous l'évoquiez, je vous ai interrompu, Patrick de Wever, je vous laissais reprendre. Ce scénario de la météorite, on est tout de même certain que cette météorite de 10 km, elle est tombée au Yucatan, on sait que ça a projeté énormément de matière dans l'atmosphère, on sait que ça a conduit à un refroidissement. On a quand même un certain nombre d'éléments concrets, matériels, pour dire qu'elle a eu une influence à l'échelle planétaire. Oui, mais personne ne le nie. Ce que certains discutent, et je fais partie de cela, c'est d'ailleurs ce n'est pas le seul élément. Et ce que je voulais dire, c'était que les journaux aiment bien les choses un peu spectaculaires. Si bien que, donc, il y a quelques années, 41 scientifiques disent c'est la planète, c'est sûr. La preuve que c'est vrai, c'est qu'ils sont nombreux. Je me demande, c'est là, si on confond pas un peu vérité, enfin, réalité scientifique et démographie, en fait, démagogie, ou démocratie, plutôt. Mm. C'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils ont raison. Mm. En clair. Et puis, l'hiver passé, autre scoop, on vient de prouver que c'était lié à un événement, un environnement beaucoup plus global et beaucoup plus long, et pas du tout, ça a été trouvé en Antarctique, etc. Je me souviens, BFM TV, ils ont voulu me faire dire que c'était tout nouveau. Comme découverte, j'ai dit oui, c'est nouveau à l'échelle géologique, parce que ça fait 70 ans qu'on le sait. Et donc récemment, à nouveau, c'est la météorite. Donc vous voyez, on fait un petit scoop sur la météorite, puis après on dit non, c'est autre chose. Ce papier qui avait été signé par les 41 scientifiques dans Science a été partiellement réfuté ou rétabli en disant finalement, effectivement, aujourd'hui, on considère qu'il y a cette météorite et il y a indiscutablement l'effet des trappes du Deccan dont vous allez d'ailleurs nous parler. Ces trappes du Deccan, vous les avez évoquées au tout début, c'est-à-dire donc cette activité volcanique intense, vous l'avez évoquée. Est-ce qu'on pourrait même imaginer, sait-on jamais, qu'il y a un lien entre l'un et l'autre, puisqu'il y a une étude récente qui montre que on est à très très peu à quelques dizaines de milliers d'années de différence entre les deux événements. Est-ce qu'on peut imaginer un lien, Patrick de Wever? Des liens, c'est difficile à établir. La météorite est tombée pendant l'événement volcanique, qui est beaucoup plus long. Alors, certains disent, oui, il y a eu du volcanisme, ça... Et puis, non, il est même dit que la météorite qui tombe, ça provoque un volcanisme de l'autre côté de la Terre, par onde de choc, etc., etc. Mais alors, les volcans qui existaient avant... Si c'est l'onde de choc, donc ils savaient que la météorite allait tomber et ils ont eu peur. Vous voyez, il y a quand même des petits éléments qui sont un peu impressionnants. Mais le volcanisme important dont je parlais tout à l'heure, j'ai parlé en volume. Mais si on regarde maintenant, ne serait-ce qu'à la surface, les organismes qui vivaient à l'époque. Aujourd'hui, si on avait un tel type s'il se manifestait ce genre de volcanisme, il y aurait un volcanisme comme ça avant que ça se produise, avant qu'on ait la première fumerole et la première coulée de lave. C'est une espèce d'intumescence qui se crée à la surface de la Terre, qui fait à peu près 5000 km de large, qui fait à peu près 4000 mètres de haut. Donc, vous voyez, ça veut dire que si ça se produisait ça, si ce point chaud arrivait aujourd'hui au milieu de l'Atlantique, ben, il n'y aurait plus d'Atlantique à commencer. Ça veut dire qu'avant qu'on ait la première goutte de lave qui sort, il n'y a plus d'Atlantique. C'est-à-dire, on a évoqué les courants tout à l'heure. Plus de courant Atlantique. Et ça veut dire qu'on a un continent qui va de la Californie jusqu'à Vladivostok. Ça veut dire qu'on a un seul continent, donc des hivers extrêmement froids, des étés extrêmement chauds. Rien que ça, si ça arrive brutalement, les organismes vivants ont du mal à supporter. Et je vous dis, et avec tout ça, donc, plus les modifications de courant. Donc, outre la climatisation, les courants sont complètement bouleversés. Rien que ça, ça bouleverserait complètement le climat, l'environnement en général. Quelles sont les traces géologiques que l'on trouve de ces événements, Patrick de Wever? Parce que vous parliez tout à l'heure, on a évoqué l'iridium, vous avez parlé de soufre. Qu'est-ce qu'on trouve dans les strates géologiques qui nous indiquent, qui nous donnent des traces de ces différents événements, qu'il s'agisse de la météorite du Yucatan ou des trappes du Deccan? Voilà. Alors les trappes du Deccan, ce sont des coulées de lave. Alors ça s'appelle traps parce que c'est un mot qui viendrait du scandinave ou du néerlandais, donc on met un P ou deux P, peu importe. Des traps, c'est un escalier. C'est parce qu'il y a eu des coulées de lave qui sont faites très, très fluides. Donc elles s'écoulent très loin, style de ce qu'on connaît à Hawaï. c'est peu épais, mais ça peut aller très loin. Et puis ces coulées de lave, les unes après les autres, ben elles s'empilent. Et puis après, comme le volcanisme a été terminé, le sol a été érodé, il y a des vallées qui ont été creusées, et puis le long des vallées, ben, il y a des coulées de lave qui sont très résistantes, et puis entre les deux, il y a un peu de cendre, moins résistant, donc ça, l'érosion se fait en escalier, d'où le mot traps. Donc, là, ce que l'on voit comme traces, ben, ce sont des laves, ça se voit, ce sont des laves, c'est bien du lave volcanique, et puis il y a des cendres entre les deux, et on cherche des petits restes d'organismes dans ces cendres, justement, alors que les laves, elles, permettent de faire de la datation radiochronologique. Alors, et sur le Yucatan, sur voilà. Les météorites ? Alors là, vous imaginez... Parce que on imagine qu'il y a eu quand même encore une fois beaucoup de cendres projetées dans l'atmosphère, oui. etc. Donc ces cendres, elles sont retombées. Normalement, on devrait pouvoir en trouver des traces à certains endroits. On en retrouve des traces, mais altérées. Donc de temps en temps, un verre, parce que les roches, quand elles ont un impact énorme, l'énergie énorme, elles fondent. Ça forme un verre. Un verre, avec le temps, c'est peu stable. Donc ça se transforme en argile. On appelle des céladonites, etc. Mais donc, on essaie d'interpréter ce que l'on trouve comme cendre, mais on retrouve cette limite crétacé-tertiaire sous forme de sédiments dans le sud de la France, dans le sud de l'Espagne, et en Italie. Et moi, là où je l'ai vu, à chaque fois, ça fait un centimètre d'épaisseur. Donc, vous voyez, il y a un point, on dit là, c'est le crétacé, boum, là, c'est le tertiaire. Et il faut faire parler ce 1 cm qui est constitué d'argile et de choses comme ça. Ça, c'est au niveau global, mais au niveau local, je réfléchissais toujours à une image. Mais c'est tout simplement les sédiments à l'échelle géologique, ça bouge. Eh bien, l'astéroïde qui tombe, c'est comme si vous jetez un pavé dans une mare et que vous me demandez de décrire ce qu'est devenu la partie superficielle de la goutte du lac là où le caillou a été frappé. Hein, ça explose, c'est vaporisé, c'est rejeté, et même les bordures sont retournées, un peu comme je le fais avec mes mains, c'est pas facile d'expliquer, mais on voit que ça se retourne, si bien qu'il y a des couches qui sont renversées, que l'on connaît, à l'échelle plus petite, un météore cratère. On va vous mettre, pour illustrer tout ça sur le fil Twitter, il y a des vidéos de reconstitution de cet impact de météorite qu'on trouve, qui sont très très bien faites, des reconstitutions en trois dimensions, comme ça, vous pourrez voir effectivement la violence de cet impact, avec de la projection de matière jusque très haut dans l'espace. Ça, c'est pour la collision. J'aimerais tout de même... Mais de temps en temps, quand on fait des reconstitutions, souvent quand on représente la météorite de la Kreskaté qui arrive, si on mesure, là, ce sont des reconstitutions d'artistes, si on regarde la taille de la météorite par rapport à la Terre, il ne la représente pas de 10 km, mais plutôt de 5000 ou 10 000 km. Hein. Donc on va faire attention, on va essayer de vous trouver une reconstitution fidèle. Un mot tout de même encore là-dessus rapidement, parce que on l'a dit tout à l'heure, hein, dans les modélisations du climat qui viennent d'être réalisées, on parle de 2 ans d'obscurcissement de l'atmosphère terrestre. Est-ce que ces éléments conjugués, qu'il s'agisse du volcanisme intense et de l'impact de la météorite, est-ce qu'il est envisageable que la poussière ait recouvert les deux hémisphères, l'ensemble de la planète ? Est-ce que c'est juste local ? Qu'est-ce qu'on sait de cet obscurcissement, Patrick de Weber ? Ou Pascal Tassi d'ailleurs, hein, comme vous souhaitez. Patrick de Weber ? Oui, peu importe. Oui, on retrouve des traces, mais je vous l'ai dit, ici on n'est pas si loin du Yucatan. À l'époque, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, le Yucatan était à peu près 2 fois moins loin. Hein ? Mais donc, chez nous, je veux dire en Europe, ça représente de l'ordre de 1 cm. Je ne sais pas ce que ça représente, parce qu'ils en ont retrouvé des traces en Antarctique. Là, honnêtement, j'ai oublié l'épaisseur, mais ce sont des traces de cendres altérées qui sont vraiment tout petites. Pascal Tassi ? Oui, je n'y nie pas ces traces, effectivement. Mais finalement, ces modèles, ils veulent expliquer quoi ? Je vais l'expliquer, la disparition des derniers dinosaures, qui étaient déjà bien mal en point, on l'a compris. Mais pas les mammifères, pas les oiseaux, pas les lézards, pas les serpents, pas les tortues. J'en reste pour les animaux que tout le monde connaît. Ça veut donc bien dire que ces modèles-là n'ont pas pour but d'expliquer la complexité des extinctions et de la persistance des espèces à l'inverse, mais d'autres modèles. Alors, je ne veux pas faire un procès d'intention du type de la NASA et du Pentagone qui finançaient des recherches paléontologiques concernant l'extinction des dinosaures. Mais il y a, je pense, une stratégie qui insiste sur l'instantanéité des phénomènes comme pour diluer que ce que nous voyons aujourd'hui, d'un côté, ne peut pas suffire à expliquer des processus à un rythme biologique. Alors, Pascal Tassi, expliquez-nous précisément en termes évolutifs, en termes phylogénétiques, quelles sont les espèces qui passent à travers? Pourquoi est-ce que certaines ne résistent pas à cette crise et s'éteignent? Et pourquoi d'autres que vous avez citées arrivent malgré tout à se maintenir et à se rediversifier? Puisque faut dire que les extinctions, ben, comme ça laisse de la place, c'est des grands moments de chamboulement dans l'évolution où d'un seul coup, certaines espèces prennent plus de place que d'autres. Comment ça se diversifie? Voilà, expliquez-nous. Ce qui fait la différence. Le pourquoi, j'aurais bien du mal à vous donner le pourquoi. Les paléontologues sont extrêmement prudents. Déjà, le comment, on a du mal parce qu'on n'a quand même que des archives incomplètes. Il ne faut pas non plus oublier cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on découvre toujours quelque chose de nouveau, ou bien on redécouvre avec des fossiles des données que l'on avait oubliées ou finalement mis au fond du tiroir, ne serait-ce que, c'est toujours sous-jacent, des restes d'hadrosaures qui seraient postérieurs à la date de l'impact, ou bien d'animaux marins, de céphalopodes qui apparenté aux poulpes et aux calmars d'aujourd'hui qui auraient persisté alors que tout le reste des groupes aurait disparu. Donc en fait, presque tous les groupes persistent. Alors il y a des espèces qui disparaissent, des groupes d'espèces qui disparaissent, un petit peu comme dans le monde des vertébrés, comme l'a expliqué André Nel à propos des insectes. On va prendre l'exemple des mammifères. Il y avait des petits mammifères en quantité à la fin du Crétacé. Les paléontologues disent ces mammifères-là se sont transformés à l'issue de la disparition des gigantesques dinosaures terrestres. Simplement, il faut quand même quelques millions d'années pour que l'on trouve dans les archives paléontologiques des mammifères de taille raisonnable, c'est-à-dire des mammifères qui auraient la taille d'un rhinocéros aujourd'hui. Je ne parle pas d'un éléphant, il faut attendre encore plus longtemps. Donc, il y a ce rythme biologique qui fait que même si on utilise l'image des niches écologiques qui s'ouvrent, que l'on peut contester par ailleurs, mais enfin, admettons-la pour l'instant, eh bien, tout ça, ça prend du temps. Mais les paléontologues vont expliquer quand même que les groupes modernes, ceux qu'on connaît, finalement, peuvent se diversifier grâce à ces environnements nouveaux. Maintenant, si on écoute les chronologies avancées par les spécialistes de la biologie moléculaire, qui vieillissent énormément l'apparition des groupes, pour eux, tous les grands groupes modernes de mammifères placentaires, hein, comme vous et moi, existent au Crétacé. Donc ça voudrait dire que dans ce cas-là, l'impact a eu encore moins d'effet que ce que veulent bien avancer les paléontologues les plus nuancés. Donc vous voyez qu'en fait, on a des archives imparfaites, et donc on peut nuancer nos propos, mais on ne peut pas être affirmatif. Je vais prendre un dernier exemple d'un groupe que j'aime beaucoup, dont on parle pratiquement jamais à propos de la crise cathée, ce sont les choristodères. On ne peut pas dire que les choristodères fassent la une des journaux régulièrement. Je ne le dirai pas. On les appelle aussi les compsosaures, du nom d'un genre qui est connu au Paléocène, c'est-à-dire à la base du tertiaire. Bon, ces choristodères existent depuis le Jurassique. On sait maintenant depuis peu de temps que les derniers existent à la base du Miocène, c'est-à-dire il y a 25 millions d'années. C'est une découverte d'il y a une douzaine d'années, si je ne me trompe. Et les tout derniers de ces animaux sont en fait des formes qui se sont différenciées très très tôt au Jurassique, ce qui fait que les archives manquent pratiquement pendant plus de 80 millions d'années. Or, on a les éléments au début et à la fin, ce qui montre bien que l'archivage de la Terre, il est imparfait et que cela influence énormément nos estimations d'extinction de groupes. Avant cette découverte, il y avait toute une famille qui était comptée dans les familles qui ont disparu, et en fait, pas du tout. Alors maintenant, sur le plan du rythme évolutif, les plus grands compsosaures sont connus à la base du tertiaire, donc après la crise cathée, comme si Ils sont pas très grands, hein. Ils ont 3 mètres de long, hein. J'ai pas dit ce que c'était, hein. Ce sont des sauriens. Ce sont des espèces de crocodiles d'une. J'avais lu d'une quinzaine de mètres, mais je me trompe peut-être. Non, ils dépassent pas les 3 mètres. Ah, simplement, ce sont des grands sauriens qui ressemblent à des gaviales. Ils ont un très long museau. En plus, ils ont un crâne extrêmement élargi à l'arrière. Enfin, donc des bêtes assez singulières. Donc, à la fin du Crétacé et au début du Tertiaire, il y a les espèces qui ont en moyenne 1,50 m, double de taille. Tout se passe comme si ce groupe d'animaux qui vivaient dans des fleuves, qui sont des animaux mangeurs de poissons, continuaient à vivre leur vie et leur évolution comme si de rien n'était. Alors, une question rapide, parce qu'on arrive à la conclusion de cette émission. Déjà, je vais renvoyer les auditeurs à l'émission que nous avions consacrée précisément au succès des mammaliaformes, de justement cette transition et pourquoi les mammifères sont devenus l'espèce dominante aujourd'hui. Peut-être un mot, vous avez dit quelque chose que je trouve intéressant. Vous dites qu'aujourd'hui, la notion de libération des niches écologiques, elle est contestable. On peut dire que c'est pas parce qu'à un moment donné, eh bien, dans les chaînes alimentaires, il y a des trous qui se font parce que les espèces sont devenues très minoritaires ou sont disparues ou se sont clairsemées, que d'un seul coup, d'autres espèces remplissent ces niches-là. Vous pensez qu'on peut contester cette idée, Pascal Tassi ? Je ne conteste pas l'idée, je conteste la formulation en liaison avec le rythme de l'évolution. Si il y a 66 millions d'années, les milieux s'ouvrent, il faut plusieurs millions d'années pour que les fameuses niches, c'est-à-dire les liens entre les grands prédateurs carnassiers de type dinosaurien et les proies herbivores de type dinosaurien soient remplacées par les mêmes chaînes chez les mammifères. Patrick de Donc en fait, oui. pendant plusieurs millions d'années, il ne se passe rien dans cet environnement-là. Je vais laisser un dernier mot de conclusion à Patrick de Verre, puisqu'on arrive au terme de cette émission. Ce que j'ai retenu dans ce que venait de dire Pascal Tassi, c'est que justement, on ne peut pas être affirmatif, et c'est la paléontologie est une science pas précise, etc. Et c'est vrai, et ça c'est généralement une difficulté que l'on a à expliquer, qu'on n'est pas sûr, parce que souvent quand on n'est pas sûr, il est conclu, donc ils ne savent rien. Mais justement, la science c'est pas dire vrai ou faux, c'est pas noir ou blanc, le monde ce n'est pas un pavé mosaïque, et ça c'est généralement peu plaisant, mais la science n'est pas une vérité, la science c'est un système cohérent avec un raisonnement et un seul raisonnement en prenant tous les éléments en compte. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Patrick de Vever, merci Pascal Tassi d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci également à nos collègues et camarades de France Bleu à Toulouse pour le duplex. Une émission, on vous a mis un certain nombre de liens d'images que vous pouvez réécouter, télécharger, podcaster à l'envi sur notre fil Twitter @laméthodefc ou sur le site franceculture.fr. Et merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Eve Etienne, Hugo Bartholomeï, Antoine Beauchamp, Thomas Beau, aujourd'hui à la réalisation, Élise Le à la technique et Jean-François Souvilly au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture, tout à l'heure après le journal de 18h dans le grain à moudre. La question que posera Hervé Gardette aujourd'hui, ce soir, à ses invités Rohingyas, un conflit contagieux, ? Dans quelques instants, juste après les titres, deuxième épisode de votre série documentaire de la semaine, signée Lila Jitli et Vincent Deck, Voyage transclasse, histoire de ceux qui ont quitté leur milieu d'origine. Et pour ce qui nous concerne, eh bien, demain, nous tenterons pas moins que de lever le secret millénaire des pyramides, et oui, en nous intéressant aux nouvelles techniques d'imagerie par muongraphie qui promettent d'en percer les derniers mystères. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.